Un jour que Swan était sorti au milieu de l'après-midi pour faire une visite, n'ayant pas trouvé la personne qu'il voulait rencontrer, il eut l'idée d'entrer chez Odette à cette heure où il n'allait jamais chez elle, mais où il savait qu'elle était toujours à la maison, à faire sa sieste ou à écrire des lettres avant l'heure du thé, et où il aurait plaisir à la voir un peu sans la déranger. Le concierge lui dit qu'il croyait qu'elle était là. Il sonna, crut entendre du bruit, entendre marcher, mais on n'ouvrit pas. Anxieux, irrité, il alla dans la petite rue où donnait autre face de l'hôtel, se mit devant la fenêtre de la chambre d'Odette. Les rideaux l'empêchaient de rien voir, il frappa avec force au carreau, à plat. Personne n'ouvrit. Il vit que des voisins le regardaient. Il partit, pensant qu'après tout, il s'était peut-être trompé en croyant entendre des pas. Mais il en resta si préoccupé qu'il ne pouvait penser à autre chose. Une heure après, il revint. Il la trouva. Elle lui dit qu'elle était chez elle tantôt, quand il avait sonné, mais dormait. La sonnette l'avait éveillée, elle avait deviné que c'était Swan. Elle avait couru après lui, mais il était déjà parti. Elle avait bien entendu frapper au carreau. Swan reconnut tout de suite, dans ce dire, un de ces fragments d'un fait exact que les menteurs, pris de court, se consolent de faire entrer dans la composition d'un fait faux qu'ils inventent, croyant y faire sa part et y dérober sa ressemblance à la vérité. Elle avoue qu'elle m'avait entendu sonner, puis frapper, et qu'elle avait cru que c'était moi, qu'elle avait envie de me voir, se disait Swan. Mais cela ne s'arrange pas avec le fait qu'elle n'ait pas fait ouvrir. Mais elle ne lui fit pas remarquer cette contradiction, car il pensait que livrée elle-même, Odette produirait peut-être quelques mensonges qui seraient un faible indice de vérité.